La vie, chacun de nous n'en a qu'une. Et la risquer à chaque instant, c'est trop bête. Ça ne sert vraiment à rien. Voilà pourquoi j'ai décidé de raccrocher mon fusil au mur. Allez-vous, c'est beau ce que vous dites. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la paix. Je n'ai jamais rencontré la paix. J'y crois pas. MSD, cousin, ok, ha, hein, tous accrochés au bitume, au bitume, au bitume, et on en prend l'habitude, hein. Excuse-moi, mon frère, si je vis ma vie en prose, excuse-moi, papa, si je ne vois plus la vie en rose, excuse-moi, maman, si souvent je te cause des tracas, et ouais, je sors de l'argent, et pourtant, ils n'en rentrent pas, excuse-moi, chérie. Souvent je suis distant, c'est pas que je t'aime pas, mais je peux pas faire semblant. J'avance sur un vélo, mais c'est plus moi qui tiens le guidon. La fin de ce monde est proche, tu peux demander à René Guénon. Beaucoup de gens le savent, mais trop peu osent le dire. Alors beaucoup se taisent, ouais, en attendant de mourir. C'est pas parce que j'écris des vers que je dis que je suis poète. C'est pas parce que tu prêches que tu peux dire que t'es prophète. Mais j'ai cette mélodie qui trotte dans ma tête. Et je vois cette putain de maladie, mec, qui crée dans ma tête. La haine, celle au nom de laquelle mes frères se font la guerre. Si plus tard j'ai un peu, je veux pas qu'ils soient dans la merde, oui. Ou qu'il soit amené, tu sais, à la côtoyer. Avant lui, je l'ai croisé, j'espère qu'il pourra l'éviter. On n'a plus rien à perdre, mais tellement de choses à gagner. En attendant qu'un jour nos rêves deviennent réalité. Ha. Un cahier, c'est tout ce que j'ai pour te faire part de ce que je vis sur cette planète. On veut s'en sortir, mec. J'ai pas devenir des mecs pas nets dans cette putain de vie où chaque jour dame folie nous guette. Nous tournons des guisons, on est prêt à tout sauf à perdre la raison jeune. Plus trop motivé quand l'insomnie nous prend, difficile de se mettre à rêver. Pour nous, les jours se suivent et bien même se ressemblent. Du béton, mec, c'est ce qui fait nos grands ensembles. Que l'union fasse notre force, qu'on se divise pour mieux régner. Je ne suis plus de ceux qui pensent que les opposés peuvent s'attirer. Atterri, tu vois la jalousie. Nous a servi en faisant au jour le jour de nous des frères ennemis. Embrouillés, galères, vaut mieux en rire qu'en pleurer. On est tous en sursis et pour nous c'est danger. L'asphalte et la brique, tu vois, on y a pris goût. Tout semble c'est au shit, accoutumé au dégoût. Le temps avance, c'est pas nous, on n'est plus épanouis. La journée on dort trop et nos rêves s'évanouissent. Au quotidien des galères et si peu d'émotions. Si les problèmes existent, pourquoi pas leur solution? Payen, c'est moi, mais ça pour être lui. Maintenant dans mon check-up, tous les gars sont MC. Respecte mon hip-hop et ses fondations. J'pèse pour rap commercial, mec, et ses fonds d'action. Dans ce morceau, y'a ma vie ainsi que mes convictions. Si t'en changes pas, t'es qu'un con, alors faut croire que j'en suis. Vas-y, qui même me suit pour faire ce qu'il est dérive. On patauge, on rame ensemble sur le terre-terre. C'est pour ceux qui savent pas et ceux qui savent plus. C'est pour ceux qui peuvent pas et ceux qu'en peuvent plus. Souffrir des injustices et essuyer des abus. C'est pas des salades, man, le monde est malade, man. C'est pas des sales blagues, il faut que nos vies soient moins fades, man. Moi et les miens, on en voit de toutes les couleurs. Normal ici, tous mes frères sont noirs, j'plaque ou beurre. J'fais de l'humour noir et pourtant je suis blanc. Logique, la vie me grise. Et ce depuis mon enfance, t'as menti quand t'as dit que nous ne se mangent pas entre eux. Car chez nous, dans la vraie vie, c'est banlieue contre banlieue. Au fond de mon cœur, j'ai l'espoir d'entretenir la flamme, celle de mon son qui coule dans mon sang et nourrit mon âme. C'est pour tous mes frères du béton de Paname.